La lettre criminelle par J.H. Rony-Aîné. Le crépuscule venait lorsque Marcel Barguet termina son rapport. Il était content et pour sa récompense, il s'octroya un de ses petits cigares dits négro dont il raffolait mais usait avec prudence. L'heure était émouvante et tendre. Par la baie ouverte, le joli mois de mai députait ses parfums, ses langueurs et ses rêves. Marcel n'y était pas insensible. Il avait des lettres et goûtait la poésie. Les vitraux du firmament renouvelaient inépuisablement leur féerie. « En somme, se dit-il, je suis un homme heureux. » Tout lui réussissait. Il avait une femme délicieuse. Après 5 ans, il l'aimait comme au premier mois, et il se croyait payé de retour. Mais des choses mystérieuses rôdent incessamment autour de nous, qui remplacent les jaguars et les boas des forêts vierges. À peine avait-il constaté son bonheur que l'invisible lui répondit. Il est vrai, par quelque chose de visible, une lettre blonde que le valet de chambre apportait sur un plateau de lac. Il n'eut aucun pressentiment. Il saisit la lettre, la retourna d'un geste mécanique et la décacheta. Elle était effroyable. Il devint blanc comme les feuilles de papier éparses sur son bureau. Il lut et relut. « Jeudi, mon adoré, ivre encore de la soirée d'hier, je ne pense qu'à toi. Je t'aime, Lucette. » Alors il sentit qu'il redonnait une baie sauvage. Il se dit que sa femme avait mérité la mort, car ce billet était écrit par elle, un individu qu'il cherchait à deviner. S'il avait pu savoir qui le lui avait renvoyé, une femme, presque sûrement, il aurait eu une piste. L'écriture de l'enveloppe était inconnue, une écriture impersonnelle, pas même déguisée, parce que sans doute celle qui se vengeait ou se divertissait avait eu recours à une tierce personne. Il rôdait comme un fauve, il se cognait aux meubles. Les souvenirs montaient en lui, intarissables comme les flots de la mer. Jusqu'à cette heure, ça avait été de beaux souvenirs, des souvenirs frais, purs, ardents et amoureux. Mais nos souvenirs peuvent subir d'effrayantes métamorphoses. Ceux de Marcel devinrent hideux, équivoques, misérables et baroques. Comme il l'avait aimé. Est-ce que beaucoup de femmes sont aimées ainsi? Jamais il ne l'avait trompée. Il n'en avait même pas envie, elle lui suffisait, elle était toute la femme, toutes les femmes. Quand elle le regardait, il se sentait jeune comme un petit enfant. Quand elle lui mettait les bras autour du cou, la même volupté qu'à la première heure grisait chacune de ses fibres. Maintenant, il ne l'aimait plus, il la haïssait. Pourtant, son image, continuellement évoquée, éveillait des désirs infinis, une sensualité en quelque sorte mystique. Tellement elle s'enrichissait de splendeur. Par intervalles aussi, il cessait de la haïr. Il revoyait, avec une intensité foudroyante, cette bouche sincère, ses yeux innocents. Jamais il ne l'avait surprise à mentir. Elle avait presque la manie de la loyauté. Non, cette femme-là n'avait pu jouer le rôle adultère avec cette perfection de candeur, ce visage heureux et cette jolie voix cristalline. Elle se serait trahie. Et il se prenait à douter. Un coup d'œil sur le billet ramenait la réalité plénière. C'était bien elle qui avait écrit cela, c'était elle qui criait à l'inconnu, ivre encore de la soirée d'hier. Alors, il reconstruisait cette scène qui avait été 1000 fois la merveille de sa vie, et qui, dans une pénombre honteuse, devenait la scène de la trahison. La même scène, pourtant, avec un autre. La douleur et la colère le ravageaient comme des bêtes fauves. Il cherchait à se figurer le rival. Successivement, tous ses amis, tous ceux qu'il fréquentait, en prenaient la figure, en sorte que 20, 30 hommes reçurent des lambeaux de sa haine et de sa jalousie. Quelquefois aussi, une sorte de résignation amère le saisissait. Recru de chagrin et de fatigue, il se disait « Après tout, j'aurais eu ça, 5 ans de joie. » Mais non, il ne l'avait pas eu. Il avait cru l'avoir, et il avait horreur d'une telle croyance. Combien il eût préféré avoir été misérable plutôt que de porter en lui la mémoire de ce bonheur profané. « La mort, elle mérite la mort » criait-il. Tout à coup, il se leva dans un saisissement. Elle était là. Elle était là, avec son charmant sourire. Ce visage où les grâces de la femme retenaient un peu les grâces de l'enfant, et elle le regardait. Saisi d'épouvante, il se disait « Dans une minute, elle ne sera plus à moi, plus jamais à moi. » Je ne la presserai plus sur mon cœur. il eut une envie immense et intolérable d'être encore une fois le mari. Avec un sourire figé, il s'avança vers elle, il avança même les bras. Mais la fureur jaillit comme un torrent. « Misérable ! » hurla-t-il. Elle le regarda, si évidemment ébahi, qu'il en était déconcerté. Il balbutia, il chercha des mots vengeurs qui fuyaient au fond de sa mémoire. « Qu'y a-t-il ? » demanda-t-elle avec douceur. En silence, il tendit le billet. Elle regarda le frêle feuillet, elle le retourna, plus stupéfaite encore, et soudain, elle eut un petit rire. « Je commence à comprendre, » dit-elle. « Mais tu aurais dû comprendre avant moi. On t'a envoyé cela ?» Il répondit sombre. « On m'a envoyé cela. Mais Nigo, si tu avais bien regardé, et surtout, si tu t'étais souvenu, ce billet est à toi, à moi, à toi, du moins depuis que je te l'ai envoyé, il y a 5 ans. Examine bien ce papier. C'est mon papier d'alors. Quelqu'un te l'a dérobé et te l'a réexpédié ensuite. Quelqu'un que je devine. » La gouvernante chassée. Il écoutait. Il sentait en lui le recommencement du monde. Les souvenirs flétris refleurissaient comme des roses merveilleuses. Soudain, il se précipita vers son bureau, ouvrit un tiroir, en tira des photographies, des fleurs fanées, des lettres. Puis, s'agenouillant, il se mit à baiser follement les pieds et la jupe de Lucette. C'était « La lettre criminelle » par J.H. Roni-Aîné.